ne fait pas l'homme. Ceux qui ont dit oui au vide, s'ils se répètent devant l'OPJ, méritent d'être punis même s'ils ont trahi un ennemi. Ça existe pas dans nos rues, c'est l'omerta, hein. T'étais content quand on t'avançait du dos, moi, chien. Tu devrais être reconnaissant, assumer ta peine de prison comme un homme bon qui t'a serré les dents. N'aie pas la chasse, fais pas la garce, te fais manger des liasses. Quand je t'avançais, tu faisais croire que tu étais coriace. Criminel, mortuaire dans mes ruelles, c'est similaire au cimetière et non pas aux espaces verts. C'est vivant seulement aux heures de pointe. Le reste du temps, ça vend des tasses, des micro-pointes. Moi j'en ai marre de la drogue, je veux que mon flow se vende. Que tu bandes, que tu prennes du plaisir comme dans un gang-bang. Mon gang, faut pas le test, sinon on t'enchaîne. T'attaches à un chaîne, trou dans la peau, ça sent la gangrène. La police nous maltraite, on s'entraide, s'entraîne à devenir des hommes, on est marginaux mais on s'en fraise. Je veux pas devenir un mouton. Un troupeau dans le verger, c'est l'état. Moi je les gorge avec des ciseaux. Maro, l'éclair noir du pas de clamart. Matin, midi, soir, toujours avec ce qu'il est gyrophare. Je gifle au mic, regarde bien mes Nike. Tu les as jamais vus. Toujours strike, même quand je vise au pif et tu m'avais pas cru. J'ai le flow qui tue, t'as le cul qui sue. Suffit pas d'un bout de tissu pour vestir ma balle de zifu. Les faux MC, je les punis parce qu'ils ont pas fait leur devoir. Ils arrivent au contrôle, la meilleure note ils croient avoir. C'est tard, moi j'ai mon bac plus 10. Je les renvoie à la maternelle avec un 0 sur 10. Okay. Sur disque ou sur vinyle, trop de spi. Et mon équipe demande à Lil Neges. Nous c'est la Bicraft qui nous booste. Allez où ton kick sérieusement comme sur le ring fait Ernesto Houst. Je vote mes noirs et mes arabes. C'est légal, constate que derrière mes propos se cache le désert Tigle. Tigle, les mecs qui gâtent le rap, on les fait taire. C'est MAR qui chiare à leur salaire. Causeur de trouble, une nouvelle marque de fabrique. Matière première d'Afrique, dans les bacs déclenche la panique. 92, département novateur. On a atterri halte, on tente de pas finir locataire. Tu connais ma patrie, tu sais que mes frères ont rapatrié. Moi je suis venu faire mon nid dans cette salle au prix de ville de Paris. Ils auraient pas dû empiéter sur mes ternes et sur les leurs. Ils laissent un obus tout feneux à terre. Causeur de troubles, on encule, hein. Mais toute insulte en majuscule, la pédalerie arrive à terre. Causeur de troubles, une nouvelle marque de fabrique 92. En famille on fait nos coups. S'il suffisait d'un morceau pour que tu comprennes tout, on arrêterait de rap et on creuserait des trous. Causeur de troubles, une nouvelle marque de fabrique 92. En famille on fait nos coups. S'il suffisait d'un morceau pour que tu comprennes tout, on arrêterait de rap et on creuserait des trous. Cherche pas en France le meilleur MC, c'est qu'on y naît, c'est Maro. Quand on se fait attraper avec un tarpé ou du dobé, on reste muet, on dit pas qui nous l'a donné. La rue c'est sérieux, c'est périlleux. Comme dirait mon pote Hesson, si t'es vilain rentre pas dans le jeu. Parce que nous on est illicite, toujours imprévisible. On kill nos cibles, tu veux ma carte de visite. Demande à Psycho, on aime pas Sarko. Ici les jeunes ont le seum, rêve de fumer un CRCO. MARO, tu veux de la coco. Prends mon phone, moi j'en vends pas. Mais j'ai un teupo qu'on a de la bonne. On est carbone, nous on s'en yanne. On arrive à la douane, sûr que ça passe. L'éclaireur était en place. Même si Midon, nous on cartonne. Toujours au charbon, on s'entraîne à la Olivier Tom. Ça se voit que t'es pas bon, moi je sens bon comme mon savon, Black Barrow, MC Fouqueux comme Jack Sparrow.